Planet Rap. Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. Planet Rap. 20h-21h. Ce soir, Planet Rap Giorgio, en direct sur Skyrock. C'est Giorgio, notre invité cette semaine entre 20h et 21h. Bonsoir à vous tous, bienvenue. Comment ça va, bonsoir. Giorgio? Bah, ça va, super bien. En toi? Pleine forme, pareil. Content de te retrouver. Mortel. À chaque fois, c'est une belle soirée qu'on passe avec ton album, avec tes invités aussi ce soir. Il y en aura d'autres encore. Ouais, carrément, ouais. Demain il y aura freestyle avec demain, la famille. Gros freestyle, gros aussi freestyle demain, ouais. Ce soir aussi du live, il y a Sanka qui est là. Ce soir on va faire des morceaux de l'album en live. Il y a même des, j'ai envie de dire, il y a l'équipe resserrée d'ailleurs autour là, il y a l'équipe type majeur, 4 majeurs. C'est les gens que vous allez retrouver sur scène avec toi, hein, Giorgio. Ouais, c'est ça. Mais les deux DJ quoi, qui rejouent les prods celui en qui live. S'est fait pomper par Youssoupha hier là, qui a pris toutes tes idées, t'imagines celui-ci là. Ils sont deux hein, quand même à s'être fait pomper quand même. Mais il y a le rooster aussi. Mais modeste. On peut dire des saloperies, il n'est pas là, Youssoupha. On peut y aller ce soir. Mais une pensée quand même pour Fakir, à qui on a piqué nous-mêmes l'idée. Ah bah dis donc. Il faut dire la vérité. Ok, ok, bah écoute, voilà. Beatmaker, enfin. Musicien, et voilà. Eh bien, en tout cas, ça doit vous motiver en tout cas pour aller voir Giorgio sur scène. Une grosse tournée, une trentaine de dates pour l'instant de prévues. Une cigale au mois de janvier, le 22 janvier. Puis toutes les dates sur les réseaux sociaux. Sur mon Facebook, mais laisse-moi charger mes mails et je te les donne un peu plus tard dans l'émission. Pas de problème avant la fin. Il me semble qu'on est jeudi, qu'il va se passer plein de choses ce soir dans l'émission. Ah. Déjà, Sanka nous avait promis la soirée d'os. Eh ouais. Soirée dossier. Ça fait peur. Est-ce que si par exemple, il y a des images, on peut les montrer? Bah on peut tout. Encore mieux. Donc j'ai envie de dire à tous ceux qui n'ont pas encore la possibilité de mater l'émission, c'est soit sur le skyrock.fm, soit tout de suite aller télécharger l'application Skyrock est gratos. Ou alors après, puisque le live est diffusé sur les tablettes, sur les portables, un peu partout. Donc, n'hésitez pas. Au pire, si vous êtes dans la bagnole et tout, on mettra les photos aussi sur le blog de Planet Rap. Allez, oh là là. J'ai envie de dire, il faut qu'elle reste, non? Bah, je pense. Peut-être, c'est pas. Ouais, allez. Très bien, très bien. Donc, soirée d'os qu'on dévoilera quand, Sanka, puisque c'est toi qui a les clés. Quand tu le désireras. Quand tu es prêt. Faisons monter la sauce tranquillement. Donc, soirée dossier, soir à Palou. Ça va, Giorgio, t'es bien? Ouais, ça va. Tu vas assommer Sanka, tu vas assommer. Transpire un peu, là. Le boss? Ouais, Antoine. Bah décroche, comme le portable il est appelé sur quel numéro? Sur messagerie. Ça, je te l'ai dit en début de semaine, je réponds rarement. Antoine, tu peux tenter le 06 71 74 94. Allez, il y a quelqu'un, peut-être c'est Antoine. D'un seul coup, c'est le mec. Ouais, salaud. Réponds, espérons que c'est Antoine. Vas-y. Allô? La ligne directe pour joindre les artistes dans Planet Rap. Allô? Il fait la gueule, Antoine, hein, il veut même plus parler. Ah, je crois que ça déconne. Bon, ça a déconné. On va essayer de rétablir ça dans un instant. On débute avec le morceau Rêveur. Ouais, Rêveur. Allez, c'est parti. Allez. Comme chaque soir. C'est extrait de Bleu Noir. Ça sort le 16, vendredi prochain. Yes. C'est pour les rêveurs incarcérés dans des prisons réelles. Un tacle avec les deux pieds si nous destinons nos peines. Se livrer à son petit frère c'est une décision mortelle. Par les rêves de brûlure d'un petit con qu'on en sorcelle. Ouais je te jure qu'il me comprend, lui qui veut vivre de sa passion. Il a vu ses potes détruire des projets. Anatole a quitté la maison, créant son propre dissé. A vu ses potes du lycée, créant leur propre hécatombe. Dans les roues des bâtons, je l'ai vu sécher les cours. Je lui ai dit fais pas le con, morale classique. Juste pour l'honneur et pour la mama, imagine la fierté d'avoir un fils dans les études en même temps grand footballeur. Un jour il me racontera peut-être tous ses problèmes de cœur. Je lui dirai n'écoute pas ta tête sans ta belle sœur je meurs. En vrai t'as pas le choix, ignore pas toutes les raisons. Si facile de faire une croix sur son propre horizon. Et si tu tombes, n'aie pas peur de te relever. Ouvre tes paupières, inévitable. Les rêves sont faits pour être réalisés. Et si tu tombes, tes paupières inévitables. Les rêves sont faits pour être réalisés. C'est pour les rêveurs réveillés dans une routine hors pair. Ou comme mon frère qui subissent tous les soucis de leur père. Même s'il t'a caché plein de choses pour que tu nages jusqu'à l'estuaire. En pensant que t'avais pied, sachant que t'avais peur. Sur le banc de touche pas facile, tu vois le match éternisé. Je sais que t'endors pas, soucis du rêveur brisé. Je sais que t'as le mental, que t'es meilleur chaque journée. On changera de club sans galère, la saison terminée. La vie c'est quelques problèmes, pour des milliards de solutions. Beaucoup de courage, un peu de haine, cocktail en ébullition. Et mon frère oublie pas, que chaque effort ça paye. Je le répéterai tant qu'il faudra pour rester fort et sincère. Et si tu tombes, n'aie pas tard. Les rêves sont faits pour être réalisés. Et si tu tombes, n'aie pas peur de te relever. Ouvre tes paupières, inévitable. Les rêves sont faits pour être réalisés. C'est pour les rêveurs endormis dans des journées sans fin, qui connaissent le goût de la vie et les règles qu'on enfreint. La nuit porte conseil, règle des dilemmes sans lendemain. Un chant de stade aux allures de Ricky M sans chagrin. C'est ce que j'imagine quand je vis ta vie dans mes lunes. Je crois pas être dans l'erreur, en tout cas j'évite d'en être une. C'est tellement dur de lire à travers tes écorces, fruit du même amour qui comme beaucoup a fini en divorce. Pour les rêveurs dans le coma sur la civière, qui pleurent des larmes à la sueur de leur carrière. C'est pour mon frère, un contrôle, une passe def. 90 minutes et puis on s'arrête. Et si tu tombes, n'aie pas peur de te relever. Ouvre tes paupières, inévitable. Les rêves sont faits pour être réalisés. Et si tu tombes, n'aie pas peur de te relever. Ouvre tes paupières, inévitable. Les rêves sont faits pour être réalisés. C'est le Planète Rap avec Giorgio. Le morceau s'appelle Rêveur, vous le retrouverez. Le morceau et le clip est arrivé aussi, hein, cette le semaine. Le clip est arrivé, ouais. Il cette semaine. Avec ton frangin qui joue dedans. Avec mon frangin Anatole, ouais, mon Anatole, petit frère. Anatole, ton petit frère. Qui joue à Luzenac au football. Et il continue au niveau ou... Là, cette année, l'année dernière, il était en Ligue de Belge et il n'a pas trop joué. Du coup, là, pour faire une saison pleine, il joue en DH avec une espérée montée en CFA2 et puis... puis changer de club l'année prochaine. Eh ben écoute, en tout cas, vous le retrouvez aussi dans le clip Rêveur qui est dispo depuis le début de la semaine. Je crois, il me semble que c'était mardi. C'est ça. C'est ça. Bonne mémoire. Entière. L'équipe est là, elle se souvient très bientôt. Ce soir, on avait dit aussi que tu allais faire un freestyle particulier. Ouais. Puisque des mots ont été proposés depuis lundi. Depuis lundi. Ça y est, tu en as retenu combien? Une dizaine, non? Attends, je vais compter vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, tu 12. Vois. Donc 12 mots, on les file maintenant, les mots qu'on pourra retrouver dans le freestyle tout à l'heure? Ouais, on peut les filer, ouais, on finira par ça, par cette petite impro. Alors il y a solitude, poutine, carotte, sanglier, sex toys, kebab, Chirac, crapule. Ah, c'est bizarre, pourquoi t'as les deux? T'as vu? Mais pourquoi les deux à la suite? Casquette, Île-de-France et Armani, ça, ça devait être un sacré jeu de mots. Bon bah voilà, si vous avez reconnu vos mots, ils seront dans le freestyle tout à l'heure. Giorgio nous fera un freestyle. Il placera ses mots. Je les compterai un par un. Ok, ouais. Donc t'essaieras de. Sankam les donnera dans le désordre. Comme ça, rien n'est préparé et tout. Ah ouais, c'est pas préparé. Tu les as juste en tête comme ça. Mais... Bah, au départ, je m'étais dit, ouais, je vais écrire un petit truc avec les mots choisis et tout. Mais en fait, la flemme s'emparait de moi. Mais ma détermination à faire de l'impro a gagné. Donc tu as les mots, tu les balanceras tout à l'heure dans le freestyle. Ouais, j'ai pris ma prod préférée pour les impros. Ceux qui m'ont déjà vu en concert improviser, ils savent que cette prod ressort tout le temps. Ça, tu fais beaucoup, justement, en concert, t'improvises aussi? Il y a des petits moments impro Ça dépend, parce que ça dépend des scènes, des dates. Mais quand on a un temps, entre guillemets, un peu libre, et que le public nous donne beaucoup d'amour, on s'arrête jamais à nos morceaux, toujours ça part en couille. allez voir Giorgio sur scène, vous aussi, vous avez tous des bons souvenirs des dates, là. Il n'y en a pas eu encore énormément, mais qui ont été faites. Quand même, hein. Il y en a pas mal. Un petit peu. Non, que des bons souvenirs. Une anecdote. Une anecdote. Oui, c'est la soirée anecdote et dossier. Allez, une anecdote. En concert. Attends, galère, hein. Putain, ils t'ont mis en galère, les potes, hein. T'as vu ça? Il y a tellement des anecdotes en concert. Toi, même en concert, il suit pas. Si, des gens qui tombent sur la scène en Belgique, ça, c'était cool. Ouais, Belgique. Je pense que Liège, c'est super. Très, très, très, très, très chaud. C'est vrai, celui-ci vous a marqué. Les gens prenaient des retours et se les jetaient dessus, tu vois. C'était un concert contre le racisme à Liège, dans un bar de, je sais pas, 300 personnes. Et on passe vers minuit et ils étaient tous bien bourrés. Et c'était quelque chose. Étonnant, hein, minuit dans un bar en même temps. Dans un bar en Belgique, Et ils prenaient les retours, ils se les jetaient sur la gueule, ils se versaient de la bière dessus. C'était fou. C'était incroyable. Très bon public. Prochain concert en Belgique, je vous accompagne. Tu vas kiffer, Fredo. Le programme me plaît. Se mettre un truc sur la gueule. Enfin bon. Allez-y quand même avec des casques. C'était en mode pisse, franchement. Vraiment. Et bah allez voir en tout cas Giorgio, je pense qu'on passe passe un bon moment sur scène avec toi. Et devant toi, Giorgio, ouais. Parce que ça y est, c'est arrivé quand même, c'est un moment et important. Ouais. Et je les ai même pas ouverts encore. Toi, ça y est, tu as déjà la chance de l'avoir. Ouais. C'est ton album, alors tu as une version album. Physique. Je crois que c'est d'ailleurs une version aussi particulière, celle-ci que tu as dans la main. Alors ça, c'est la version Deluxe, avec un deuxième CD, avec trois titres, dont Indomptable qui était déjà sorti, et trois versions instrumentales. Donc ça, c'est un premier CD qui arrivera le 16 octobre. Voilà, c'est ça. Ceux qui ont les images, allez mater sur skyrock.fm. On peut déjà le précommander sur le site de la Fnac, parce que c'est une exclusivité Fnac. Ouh, exclusivité Fnac. Ah, c'est des choses qui arrivent le jeudi, c'est normal. Ouais, putain. Et donc là, ça c'est la box. Jeudi gris. Elle est mignonne, cette petite box. Bah ouais, franchement. Et je pensais que ça allait être plus gros pour rentrer le t-shirt. Mais attends, on va l'ouvrir ensemble. Mais... Ah, ça y est, tu l'ouvres. Ouais. Tiens, oui, montre-nous le t-shirt qui sera donc dans cette version box collector. Qu'on peut pareil, précommander tout de suite. Ouais, tout de suite. Même sur le site de la Fnac, pareil. Alors. Donc, ça fait quel effet d'ouvrir son album là? Ah, ça me fait plaisir. D'ouvrir sa box comme ça. Ouais, et en fait, je me demande comment est le t-shirt et tout, ça m'intrigue un peu. Ah, tu l'as pas vu avant? Bah, si, je sais comment il est, mais comment ils l'ont plié dans une si petite box, ça m'intrigue. Et donc, du coup, c'est la version Deluxe qu'il y a, donc avec le deuxième CD qu'il y a aussi dans la box. Donc, c'est l'album bleu-noir. Ouais. Il y a plusieurs versions disponibles. Ouais, et on peut par contre tout précommander dès maintenant. Tout précommander dès maintenant sur internet. Alors, montre-nous un peu ce t-shirt là. Alors, pour ceux qui écoutent à la radio, j'ai essayé de le décrire le mieux possible. Vraiment bien plié, t'as vu. Mais qui a plié ça? Ah ouais. Qui s'est fait chier à plier combien de boîtes collector ça? C'est pour ça qu'on en a pas fait beaucoup. On dira c'est un pas. Peu collector. En tout cas, bravo à ceux qui ont bossé là-dessus, parce que le truc est plié. Ouais. Je le déplie. Et là, il n'y a pas marqué Giorgio. C'est le drame. Il y a écrit ketchup. Ah oui, beau, classe. En fait, c'est un t-shirt blanc. Ils sont tous blancs comme ça, avec Giorgio, le lettrage un petit peu noir aussi. Ouais, le lettrage. Ouais, ils sont tous comme ça et c'est tous du M, malheureusement, mais c'était trop compliqué d'en faire 10 000. Donc, tous M comme ça. Et ben voilà, un moment important. Donc, il y a le t-shirt et puis surtout, ce qui est aussi le plus important, c'est le son avec l'album à l'intérieur. Bien sûr, ouais, c'est surtout l'album, ouais. Et ça sort le 16 octobre et en précommande dès maintenant. Allez-y, n'hésitez pas à cliquer, parce que ça, je suppose que c'est en édition limitée, il n'y en aura pas non plus énormément. Ouais, on en a fait un petit tirage, on en a fait 500 et on a déjà 200 de précommandés, donc foncez. On va mettre un extrait du projet maintenant, Bleu Noir. Ouais. On part sur quel morceau? Jeudi Gris? Sur Jeudi Gris. Hein, Jeudi Gris. On est jeudi. Jeudi. Ah, tout simplement. Et ouais. Ah, ce soir, c'était une émission qui a été travaillée, je vous le dis. Ce soir, ça rigole pas. Dans un instant, le dossier, il y aura même une image à découvrir. Je ne sais pas ce que nous a prévu. Sankat, t'es au courant ou pas de son dossier? Non. Ah. Honnêtement, il m'a pas dit. Je lui ai dit, mais quand même, fais pas des trop gros dossiers, c'est la radio, c'est pour ma promo. Il m'a dit, non, t'inquiète, mais quand même et tout. Mais du coup, j'ai pas vu. Et après, j'ai eu Rooster au téléphone et on m'a dit, ouais, quand même. Quand même. Quand même. Ah, quand même un peu. Faut pas être trop gentil. Dans un instant, restez bien avec nous. La sortie des dossiers, mais juste avant, c'est le morceau Jeudi Gris. C'est extrait de l'album de Giorgio. Ça sort le 16 octobre. Une route, un destin, une envie, un chemin, un rêve, un voyage, un regard vers le large. J'attends si peu des autres, j'ai déjà déçu les miens. J'attends beaucoup de l'amour, mais beaucoup restent en chien. J'en ai trop vu se planter, faire des croix sur le futur et accepter qu'on puisse rien faire pour les sauver, c'est le plus dur. Réaction égoïste, ma tête me terrorise, quitte à partir. Faites-moi mourir de rire, y'a rien de pire que la honte qui te hante. Quand tu entends un rire comme un couteau qu'on te plante, tu repenses à avant les coups de poing dans le ventre. Car aujourd'hui c'est pas rien de respirer, mon air sans les regrets. Le beau temps, les envies, ils m'ont tous esquivé. J'aimerais prier la vie d'un jour sans punir, ou pourquoi pas dire au revoir et m'enfuir, ou la revoir et puis m'enfuir. Ni l'alcool, ni les drogues masqueront mon ciel noir. Mon sourire bâtard, mon envie du néant s'étend sur mes jeudis gris qui crient sans espoir. Il n'y a plus de voix que des bruits, plus de moi. Ni l'alcool, ni les drogues masqueront mon ciel noir. Mon sourire bâtard, mon envie du néant s'étend sur mes jeudis gris qui crient sans espoir. Il n'y a plus de voix que des bruits, plus de moi. Les yeux pleins de sang, je recherche mon chemin de croix. Combien ne croient plus en l'amour après l'avoir trouvé plein de fois? Faut tout le temps faire semblant que mes nuits ne sont pas si cruelles. Accepter que le monde tourne ailleurs qu'autour de moi. J'ai autant peur du temps que J'ai peur de moi justement. Je m'épuise à travers les yeux d'un jugement, de quelqu'un qui ne sait rien. J'ai perdu ma routine, y a plus de doute, je suis pas dans le bon train. Sur les mauvais rails, rails de coca demain. Et demain c'est maintenant, je pleure l'amour à jamais. Car jamais c'est souvent, et souvent c'est la routine. Les déceptions, un gros cul dans la cuisine. Tu passes ton temps à subir, mais autant être deux, quitte à subir. Y'a tellement de choses que je ne contrôle pas. Marre de la dépression, mes problèmes de bourgeois. Ni l'alcool, ni les drogues masqueront mon ciel noir. Mon sourire bâtard, mon envie du néant s'étend sur mes jeudis gris, qui crient sans espoir. Il n'y a plus de voix que des bruits, plus de moi. Ni l'alcool, ni les drogues masqueront mon ciel noir. Mon sourire bâtard, mon envie du néant s'étend sur mes jeudis gris, qui crient sans espoir. Il n'y a plus de voix que des bruits, plus de moi. La solitude fait écho à mon propre moi, propre moi. Quand la terre me met hors de moi, hors de moi. Quand je chante, je suis hors la loi. Je me livre quand d'habitude, je n'essaie même pas. Faut tout en faire semblant que j'ai des montagnes de rien. Que mes problèmes vont se résoudre, et tiens, que la vie t'aura joué des problèmes, des montagnes à gravir. Sans lune ni soleil, mes nuits c'est les tourments, mes rayons c'est des doutes. La vie est sanglante, elle m'épuise tant, elle me coupe. Des fusées dans la tête et mon cœur en vitrine. Des soucis qui me tabassent, du bonheur je me vide. J'ai reconnu à mon âme qu'on était peu sincère. Que vivre dans l'apparence, c'était beaucoup de galères. C'était beaucoup de galères. C'est le Planète Rap avec Giorgio entre 20h et 21h. Bleu noir, ouais. ça arrive le 16 octobre. Je sais que les gens sont impatients. Je vois les messages en disant non, mais l'avez déjà et tout. Normal. Bah ouais, forcément. Celui-ci, c'est donc la version pour toi, Giorgio. Tu vas pouvoir. Ouais, bah oui, celle-là, je vais le garder, mais je vais même l'acheter pour l'avoir encore sous plastique. Sous plastique ? Ouais, obligé. Tu le gardes, même les précédents projets aussi, ouais. T'avais fait ça ? Ouais, j'ai même les versions, les CD de promo qu'on donne aux radios, aux médias, aux journalistes, etc. Je les garde aussi. C'est un moment important. C'est toujours, c'est une partie de ce que t'as pu faire en studio. Ça représente quoi ? C'est presque une année de boulot pour cet album. C'est presque, c'est presque un an. En tout, et puis d'ailleurs le dernier EP date d'un peu plus d'un an. Mais là je voulais en plus vraiment que ça sorte en octobre ou en novembre, parce que c'est plus un projet hivernal que d'été, je trouve. Pourquoi tu, par rapport aux morceaux Par rapport aux morceaux, je préfère écouter ce genre de disque l'hiver, du coup je me suis dit cette mélancolie, ce côté un peu justement. Ouais, c'est ça un peu, ouais. Ce côté jeudi gris, quoi. Jeudi gris, voilà. Le morceau jeudi gris, ouais. Qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock. Et donc pour les gens, c'est le 16 octobre, pour tous ceux qui suivent Giorgio. Et puis saluer les 1800 personnes aussi qui sont derrière, qu'on boosté aussi, hein. Ouais, beaucoup de qui ont investi sur cet album. Super content, super heureux, et je le remercie avec l'album, quoi. Et nous, on va te remercier maintenant différemment. Sans cas, je pense qu'il est l'heure. Oh, ouais, ça, c'est pas des cadeaux, ça. À 20h10, on avait dit ce soir, jeudi, c'est soirée de dossier. Qui pique. Donc, sans cas, qui est ton pote avant tout, qui était ton pote. Attends. Qui restera peut-être ton pote. Je parle après. D'accord. On l'a chauffé vite fait lundi, je lui ai dit ce serait bien, comme tu connais depuis longtemps Giorgio, même avec une autre histoire que la musique entre vous deux, enfin voilà, des potes, quoi. Ce serait bien que tu nous sortes un bon dossier. Allez, bro. Un bon dossier. Bon. Moi, j'ai des petites photos en fait, tu vois. Mais déjà, faut commencer par quoi ? Faut commencer par. On devait créer le dossier, l'équipe, tu vois, des Marlou, là, les deux DJ et Nkroma d'ailleurs aussi. On n'oublie jamais. Et donc, on crée le dossier, tout ça, on se dit on envoie des photos. Diaby doit envoyer des photos. Mais Diaby, quand tu lui demandes d'envoyer un truc, il l'envoie jamais. Mais ça, il n'y a pas que les photos qu'il envoie jamais. Il n'y a pas que les photos. Les prods, Diaby, les mix. Qu'est-ce qu'il fait quand il envoie pas les trucs ? Ben, il dort. Donc, je lui tire dessus aussi gratuitement. Ah, attention. Ça, c'est gratuit. Fais-nous un zoom pour ceux qui ont les images. Oh, non, c'est donc Diaby qui dort, mais. Mais Diaby, là, mais que fait Diaby? Voilà. On a résolu le truc, voilà. On sait ce qu'il fait. Voilà. Mais voilà. Il dort comment? Il a l'air bien en même temps. Il est mignon, hein. Là, en fait, il rien. Une vraie équipe de. Non, mais il a l'air, en même temps, il a l'air tellement heureux là, c'est regarde. C'est un truc de ouf. Je viens de passer ma meilleure prod ce jour-là. J'étais heureux comme jamais. Ah ouais, j'ai C'est quand on a eu. Pour ceux qui n'ont pas les images, rassurez-vous, on mettra cette petite vidéo d'ailleurs. Vous pourrez la consulter dans un an, dans deux ans. Ça traînera donc. Ne vous inquiétez pas, quand vous rentrerez à la maison tout à l'heure, vous l'aurez. Sachant qu'en plus, pour rectifier le truc, c'est que je lui ai envoyé des trucs hier en plus. Quand même, c'est gratuit. Je vais pas régler mes comptes, mais Diaby envoie toujours des trucs, mais tu reçois pas. Mais lui, il a toujours envoyé. Non, non. Là, j'ai la preuve aujourd'hui en plus, la conversation Facebook. Il a tout de suite. Bon, en tout cas, c'était très beau. C'est, ouais, je trouve que il y a quelque chose de poétique sur cette photo. La confirmation du Planète Rap. Mais c'est pas fini. Alors, si ce n'est pas fini, sans cas. Parce que bon, on se rappelle lundi que je suis un ex-gros. Mais faut montrer la photo quand même, parce que je trouve qu'il a une tête assez rigolote à cette époque-là. Je pense que les gens, ils vont rire comme moi de la photo de classe. Non, de oh non, zoom, zoom, oh zoom, zoom, zoom. Attends, zoom dessus. Et une casse d'aide à mon pote Léo Mindron, là, qu'on voit en dessous derrière. Et Forest, j'adore qui doit cette espèce de coupe au bol. J'étais machin la plus plus. Oh, vous êtes mignon. T'as vu l'insouciance? Oh là là là là, cette petite photo magnifique. Ouais. Donc, ça c'était quoi? C'est que. Ça c'est la sixième, c'est, la rencontre, tu vois. Les prémices. Tu sais, je l'ai vu, j'ai dit on va rire. C'est sûr, on va rire. Et bon, bah j'en ai une. Ça c'est Georges. Pour finir quoi, en beauté ou il y en a encore d'autres après ou... Ouais, je sais pas, j'en ai peut-être une autre après. Très bien, prends ton temps. Ça c'est Georges quand on joue en extérieur, tu vois, et qu'il pleut un peu, parce qu'il a peur de se noyer, il est pas trop l'eau. Peur. Donc il arrive comme as. Oh non. Ah, la alors pour ceux qui nous écoutent, c'est le même suite, c'est ça. Pour fait ceux le mec qui nous écoutent, pas. T'as l'impression que c'est les gilets de sauvetage des avions. C'est ça. Si on regarde bien à gauche, il y a écrit Giorgio sur le gilet de sauvetage. Alors c'est quoi cette photo? Alors, ça sort d'où avec le sifflet dans la bouche là? Alors ça c'est okay. C'est un concert à la Tranche sur Mer. Et donc c'était l'adjoint au maire qui organise le concert et qui aimait beaucoup ce qu'on faisait. Et comme bah cadeau, et comme cadeau, et comme en fait c'est au bord de la mer, quoi, la Tranche sur Mer. Et comme elle aimait beaucoup ce qu'on faisait, elle nous a offert un gilet de sauvetage à notre nom. Symboliquement, pour que tu ne coules jamais. C'est quand même plutôt sympa. Après, je suis pas sûr d'avoir osé la photo, forcément. J'aurais pris en disant merci. Non, mais tu sais qu'on est monté sur scène, on a fait genre deux morceaux avec les gilets. Hein. Avec les gilets. Ah, c'est quelque chose. Ah, les gilets. Non, ce que j'aime bien en plus, c'est le sifflet. Genre, tu sens un mec en panique au milieu de l'océan. Ah, ouais, c'est ça, ouais. C'est incroyable. Ah, j'espère jamais m'en servir, mine de rien. Et t'as quoi entre les mains? En fait, c'est quoi? C'est ça, exactement aussi. Parce que quand on zoom. C'est une lettre qui a été écrite. Ah oui, parce qu'elle m'avait écrit aussi une lettre. Qui, la maire? Le maire? L'adjoint au maire. L'adjoint au maire. Et donc, c'était une femme. Et donc, une lettre où c'est une carte postale. Et c'était des abbesses, donc de Paris 18e. À la Tranche sur Mer. À la Tranche sur Mer, c'est ça. Ça va bien là-bas, hein. Vous avez l'air très sympa à la Tranche sur Mer. Hein. Allez passer vos vacances. Mais franchement, c'était un putain de concert sur un parking et tout. C'était vraiment cool. Sur un parking avec un gilet de sauvetage, le truc normal. Exactement. Tout est normal. On garde pour l'instant. On garde. Hein. 104, t'es prêt à dégainer? J'en ai une petite dernière peut-être. Après. Tranquillement. Ouais. On va revenir dans un instant, ne bougez pas. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, très bien. Ne bougez pas dans un instant. Peut-être une dernière photo de Giorgio. Je rappelle pour vous, hein, qui êtes peut-être dans la voiture ou pas dispo, en train de mater les images. Elles seront disponibles à partir de 21h, 21h30. On mettra cette partie vidéo. Et sur l'Instagram aussi, on va balancer l'Instagram de Planète Rap. Parfait. Et merde. Ne bougez pas dans un instant. Tiens, on va mettre un titre qui s'appelle À la Selle Saint-Cloud. Ouais, La Selle Saint-Cloud. Selle Saint-Cloud, pardon. Et c'est le morceau. C'est la ville où habite ma grand-mère. Et c'est une chanson pour ma grand-mère. Et moi, j'aime bien les mettre des prénoms ou des dans mes chansons, comme où il y a déjà Malik. Et puis là, j'aimais bien mettre une ville. Je trouve que ça marque. Un prénom, ça définit un peu, j'ai l'impression. Et les villes, c'est pareil. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est une toute petite ville d'Île-de-France, dans le 78. Région parisienne, ouais. Ouais. Mais pour ceux qui connaissent, comme ça donnera un peu le contexte à la chanson. Et bon, on va le découvrir, ce morceau, dans un instant. Ouais. Sur Skyrock, c'est Giorgio. Bleu Noir, l'album, c'est le 16 octobre. La roulette, elle va tourner aussi dans une trentaine de minutes. Mais les inscriptions, c'est maintenant. 41-759, 41-759. Prénom, numéro de téléphone, il y a les places pour Sopra à choper. 20h-21h, Planet Rap reçoit Giorgio. Planet Rap. Giorgio, notre invité entre 20h et 21h sur Skyrock, a pas loupé l'album dans une semaine, c'est le 16 octobre la sortie. Album qui est déjà dispo avec le livret que tu as là entre les mains. Ouais, on va montrer un peu le livret parce qu'on parlait en début de semaine et j'avais dit, donc là c'est la version de Luke, je montre comment elle est, hop, faut ouvrir. Donc en fait il y a un petit rond central où il y a les deux CD à l'intérieur. C'est ça, ouais. CD1, CD2. CD1, CD2 de Giorgio. Alors là c'est la grande mission de sortir le livret sans l'abîmer. Alors est-ce qu'il y a des fautes sur ce livret ou pas? A priori non, on a corrigé plusieurs fois, plusieurs relectures, a priori il n'y a pas de faute. Et donc, moi il y a des photos et donc... Hop, des photos pas... et à chaque fois un petit mot, c'est ça sur... Ouais, bah, tu vois c'est un petit paragraphe qui sont des anecdotes sur les morceaux. Sur tous les morceaux, tu commentes sur tous les morceaux, oui, bien sûr. Hop. Ah, des jolies photos, tiens. Bah, ça, c'est une photo de Nkrumah, le Marlou, qui manque, qui est là. Elle est derrière. Donc voilà. Et hop. Là, tu vois, il y a des photos à l'envers, comme ça, faut le manipuler un peu et tout. Beau gosse. Pour ceux qui découvriront, qui nous écoutent à la radio, le livret à l'intérieur avec un petit mot sur chaque morceau. Le morceau qu'on va passer maintenant, il s'appelle La Selle Saint-Cloud. Ouais. Il y a un petit mot aussi. Bah ouais, bah allez, lisons sur celui allez. Sur La Selle Saint-Cloud. Peut-être pas tout, mais lis le début au moins, comme ça les gens iront voir la suite s'ils voilà. récupèrent l'album. Alors, je lis le début. Cette chanson est une dédicace à ma grand-mère qui vit là-bas et à une ville où j'ai entassé pas mal de souvenirs. Ma grand-mère et moi avions quelques goûts en commun, notamment certains auteurs et certains écrits. Et voilà. Et la suite. La suite. Sur l'album. Le morceau, on le découvre maintenant, La Selle Saint-Cloud, Giorgio Bleu-Noir sur Skyrock. Une grand-mère qui part, c'est une bibliothèque qui brûle. Et comme d'habitude, c'est le silence qui hurle. C'est toute ton armure qui devient velours. C'est l'air grec qui croise l'horloge et court jusqu'à Yom Kippour. C'est trop d'interrogations et sans être cru. Imagine New York sans la 5ème avenue. Tant qu'à porter ma mère. C'est vrai qu'ensemble on a croisé le fer. C'était pas facile pour toi quand j'étais tout en bas de l'échelle. Et aujourd'hui dans mon cœur, il y a ta culture, tes auteurs, la déco de chez moi trouvée dans des vies d'ordures. Il y a aussi tes peintres et tes sculpteurs. On y retrouve la chaleur de l'hiver. Pour un fumeur, la selle Saint-Cloud, c'est l'ennui, mais aussi la scène, si différente de la mienne. Du haut de ta fenêtre grand-mère, les oiseaux et la solitude, et des forêts de classe moyenne qu'on manipule. Je passerai bientôt te voir à la selle Saint-Cloud. On ira contempler ses rives comme tu regardes tes rides dans un miroir. Profiter de la neige comme mon père qui revient d'Afrique et puis repart. Ô grand-mère, je passerai bientôt te voir à la selle Saint-Cloud. On ira contempler ses rives comme tu regardes tes rides dans un miroir. Profiter de la neige comme mon père qui revient d'Afrique et puis repart. Tu t'es retrouvé à 70 ans dans le rôle d'une mère. Je t'en ai fait voir de toutes les couleurs. Aucune fierté, juste des douleurs. J'ai fait déchaîner la houle. Puis des années d'absence, j'ai mis les voiles. Et mon bateau avance dans l'orgueil de l'homme. Toutes les larmes sont déferlantes. La tête à l'envers de ton silence, je suis perdant. La selle Saint-Cloud, la gare, les trains tout tagués. J'ai largué les amarres et je reviendrai plus tard comme si de rien n'était. Et tu feras de même, je sais que tu m'aimes plus que cette mauvaise vague. Plus qu'un tsunami quand on parle toute la nuit. Des cendres de mon grand-père sur le mont Valérien. Des religions oubliées, puis des anges car elles me voient d'un autre monde aérien. Raconte-moi ta Normandie, ta vie dans le 14e. Je dévoilerai mes promesses, j'oublierai ni virgule ni parenthèse. Du haut de ta fenêtre grand-mère, le feu d'artifice. La vie un point de vue mais nos yeux ne sont pas magnifiques. Je passerai bientôt te voir à la selle Saint-Cloud. On ira contempler ses rives comme tu regardes tes rides dans un miroir. Profiter de la neige comme mon père qui revient d'Afrique et puis repart. Ô grand-mère, je passerai bientôt te voir à la selle Saint-Cloud. On ira contempler ses rives comme tu regardes tes rides dans un miroir. Profiter de la neige comme mon père qui revient d'Afrique et puis repart. Je sais à quel point t'es heureuse de m'avoir dans tes bras. Beaucoup trop d'amour que je n'attendais pas. J'ai honte de l'enfer qu'on a vécu tous les deux. Les yeux dans les yeux, c'est le feu dans les cieux. Et ne me cache pas ta peur de demain. Et combien même que le temps passe, tu peux être fier de l'adulte que je deviens. T'as vu à quel point on se ressent même quand tu parles de musique. Tu comprends le rap et que les ados qui veulent en vivre. J'aime trop ta sensibilité quand tu parles des autres. Tes mots sonnent juste dans ta bouche, y'a rarement de faute. Je t'avoue que j'ai quand même plein de choses à te dire, à te reprocher. Mais faudrait une autre chanson, une autre rime, un autre projet. Je t'avoue que j'ai quand même plein de choses à te dire, à te reprocher. Mais faudrait une autre chanson, une autre rime, un autre projet. Je passerai bientôt te voir à la selle Saint-Cloud. On ira contempler ses rives comme tu regardes tes rides dans un miroir. Profiter de la neige comme mon père qui revient d'Afrique et puis repart. Ô grand-mère, je passerai bientôt te voir à la selle Saint-Cloud. On ira contempler ses rives comme tu regardes tes rides dans un miroir. Profiter de la neige comme mon père qui revient d'Afrique et puis repart. La salle Saint-Cloud, c'est un des morceaux que vous retrouverez, un joli morceau aussi hein, sur cet album ouais. Bleu Noir qu'on écoutait, qui touche aussi beaucoup de gens, qui disaient ah c'est bien parce que c'est des genres de thèmes voilà quoi, assez fédérateurs, qui parlent aussi à tout le monde voilà. La salle ouais. Saint-Cloud qu'on écoutait. D'ailleurs un petit point sur la famille, toi quand t'as commencé à faire du rap, ça a été perçu comment? Ça a été compliqué ou quand t'as dit ouais j'ai envie de, peut-être de me lancer là-dedans? Oh non, moi mes parents ils sont. T'ont suivi sont, ouais, bon après je l'ai gardé pour moi au début, mais dès que je leur ai dit, ils m'ont toujours suivi, ils me soutiennent à fond. Parce que toi les cours t'as arrêté tôt aussi t'as... Ouais, ouais, j'ai arrêté avant le bac. Ouais, mais bon, je me suis instruit de manière autodidacte. C'est vrai? Ouais. L'école comme ça, voilà, d'une manière autodidacte. Ouais, l'école de la vie. L'école de la vie. Ouais. Bah, ce qui te permet de sortir donc cet album aussi qui s'appelle Bleu Noir, de nous raconter un petit peu tout ça aussi sur bah cet ouais, album Giorgio. Ouais, c'est à fond, c'est ça, ouais. On continue à le découvrir dans un instant, on passera à Rose Noire avant de passer au live. Ouais, carrément. Je rappelle aussi qu'il y a un freestyle avec différents mots, des mots qui ont été choisis depuis lundi. Ouais, depuis lundi. Et d'ailleurs, j'ai galéré pour choisir les mots parce qu'il y avait plein de... J'ai lu en gros presque tous les messages avec le hashtag Giorgio sur Skyrock et il fallait que je trouve quand les messages où il y avait juste un mot pour les. Et du coup, j'ai pris les 15 premiers que j'ai trouvés. Donc, d'ailleurs, solitude, Poutine, Léo Forest, carotte. Big up. Léo Forest, on sait. Lui-même, il sait. Georges, il sait. Moi, je sais. Léo Forest, bravo. Solitude, Poutine, carotte, sanglier, sextoy, kebab, Chirac, crapule. C'est deux mots séparés, hein, je dis ça. Casquette, Île-de-France, Armani, c'est les mots que tu placeras tout à l'heure en freestyle. Et juste avant, je te présente Sosa de Calais. Salut Sosa. Salut, ça va bien Sosa? Salut Giorgio. Yeah. Est-ce qu'on attend aussi du côté de Calais l'album Bleu Noir? Bah ouais, ouais, ouais, toujours. C'est le 16 octobre. Début. C'est dans une semaine maintenant Sosa. Ouais. On va t'écouter rapper, c'est parti? Ah non, c'est parti. Allez, session freestyle par téléphone. Check ça. SOS ça. Un. Check. Un. Mes nuits un jeu pour enfants, je galère à trouver le sommeil. Entre l'odeur du bitume, l'illusion d'abord de mer. Un taf qui n'arrive jamais, les coups de pression maternelle. La vie nous fait des failles, mais pas de quoi se faire interner. Fuck ces idées aux moutons, t'es pas un homme en jouant des douilles. Demande à un travelot le coup moyen de la paire de couilles. Fini les dernières, plus de valeur, ça passe à l'acte sans relation. L'air qu'on respire est crade, allume des corps sans sommation. Société de consommation, y'a même un pack dans l'habillage. Ça se vend sur les réseaux, et y'a plus d'âge pour faire l'habillage. T'y attaché trop facilement, c'est check la redescente. T'as des corps crades de bâtiments, ça fait monter et redescendre. Hypocrisie dans les mœurs, confié est peu banal. 6h les bleus débarquent, le match n'est pas amical. Bah ouais, l'amour s'est perdu dans les dents. Trouver la perle c'est rare, comme un 16 qui a du sens, enfoiré. À l'instant Sosa. Lourd, lourd. Bien hein, Sosa ouais, franchement Calais. Lourd. Et et big up aussi à mon gars Hologramme Low qui a fait la prod. Bang bang. Ah ouais, big up à lui aussi. Yes. Bah merci à toi, c'est à toi, gros. Y'a moyen de passer une dédicace? Vas-y, vas-y, vas-y. Bah, je passe une dédicace à mon gars Gesh, à mon Samu, Gilles de Toulouse, mon poteau Zout, ceux qui me suivent depuis le début. Et si vous voulez checker ce qu'on fait avec mon poteau, c'est Les Morales sur YouTube. Donc voilà. Et bon, on ira cliquer. Merci à toi, Sosa. Bah, merci à vous, puis force à toi, Giorgio. Merci, gros. Merci beaucoup. C'est la sortie aussi pour la suite. Le 16 octobre. Avant de passer au live dans quelques minutes, Rose Noir. Ouais, Rose Noir, ouais. Bah tiens, lis-nous un petit peu au moins deux, trois petites lignes. Attends, attends comme on a l'album, comme tu as l'album et qu'à chaque fois sur l'album tu écris un petit mot par rapport au morceau. Celui-ci, Rose Noir, tu dis quoi les toutes premières lignes? Les toutes premières lignes, alors attends. Je le retrouve. En galère. Alors, j'ai écrit. Attention, c'est mon côté romantique. J'ai écrit ces paroles parce que j'aurais aimé les entendre lorsque moi-même, il y a longtemps, je souffrais d'une rupture, car je suis aussi passé par là. Au départ, c'était juste un couplet et un refrain sur un truc trouvé sur YouTube avec rien qu'une guitare. Donc en fait, c'est un morceau que j'ai écrit différemment des autres parce qu'à la base, ouais, j'avais pris une cover de je sais plus quel morceau de chanson française où en fait, c'était juste une vieille guitare et, c'était écrit un peu comme une chanson. Et quand j'ai entendu la prod de Hughes, je voulais faire le morceau là-dessus et du coup, j'ai un peu modifié mes couplets pour que ça soit kickable. Ça s'appelle Rose Noire, c'est extrait de Bleu Noir, l'album de Giorgio, et c'est le morceau qu'on passe maintenant. Que sais-tu de l'amour? Pas grand chose, tu parles à fleurs au fusil. Le cœur comme un tambour, à confondre les roses et les bouquets d'ortie. Les fleurs du mal ne poussent pas que dans les poèmes de Baudelaire. C'est au bouquet final que tu te dis que l'amour c'est la guerre. C'est pas Versailles dans tes jardins secrets. Et si t'as assez d'air pour voir que tout part en fumée, tu n'as plus assez d'air pour respirer les roses fanées. Au final, je vais te faire une dernière faveur, t'avouer que tout est normal. Comment te dire sans faire trop de commentaires que ton histoire est banale, que les fleurs ne poussent pas en hiver, on est tous passés par là. Dis-toi qu'on s'aime, que du vent, toujours le même combat. Est-ce que l'on s'aime vraiment? Souviens-toi de cette fleur sur le béton, écrasée par un enfant qui court après la peur comme on court derrière un ballon. Reste pour chercher l'amour, finis par mettre des roses noires sur des prénoms, à ne plus apercevoir les peu de fleurs qui poussent sur le béton. Amour perdu comme le bâton d'appui des peureux. A mon avis l'astuce c'est de croire encore aux fleurs bleues. Quand les mandragores de Glasgow te font rester jusqu'aux dernières chimères, que chaque pore de ta peau porte les croix de tous les cimetières quand tes yeux trahiront, qu'il ne restera des fleurs que le parfum. Tu quitteras la maison laissant des chrysanthèmes dans le satin. T'as pas ta tête comme ça, les murs n'y sont pour rien. Va pas jusqu'à penser tous des salauds, tous des putains. Tu verras ton maquillage qui coule dans le reflet d'une flaque d'eau. Tourner la page, rentre les coups, ne pas en sortir K.O. Là ce qu'on te jette, dis-toi que tu rebondis, qu'on est tous passés par là et qu'on s'en est tous sortis. Souviens-toi de cette fleur sur le béton, écrasé par un enfant qui court après la peur comme on court derrière un ballon. Reste pour chercher l'amour, on finit par mettre des roses noires sur des prénoms, à ne plus apercevoir les peu de fleurs qui poussent sur le béton. La rupture, c'est la voiture en forêt qui éteint ses phares. Combien de fleurs autour pour qui veut bien les voir? Chercher l'interrupteur, faut pas avoir peur de se battre, de soigner sa douleur dans les essences des fleurs de Pâques. Quoi, un trou dans la tempe, lancer un trou de mémoire dans ta tête. Et tant pis si la route tourne à l'envers, c'est rare de se souvenir à des moments pareils que l'amour. T'attends sous d'autres soleils ou à d'autres carrefours. On est tous passés par là, les mains vides, le cœur lourd, le mal au ventre, le teint livide, les yeux rougis, la gorge nouée. On est tous passés par là, mort à la place, soleil éteint sans pouvoir remonter la pente. À en souffrir jusqu'à haïr et dégueuler. On est tous passés par là, les mains vides, le cœur lourd, le mal au ventre, le teint livide, les yeux rougis, la gorge nouée. On est tous passés par là, mort à la place, soleil éteint sans pouvoir remonter la pente. À en souffrir, haïr et dégueuler. Souviens-toi de cette fleur sur le béton, écrasé par un enfant qui court après la peur comme on court derrière un ballon. Reste pour chercher l'amour, on finit par mettre des roses noires sur des prénoms, à ne plus apercevoir les peu de fleurs qui poussent sur le béton. Rose Noire à l'instant, extrait de Bleu Noir, l'album de Giorgio sur Skyrock entre 20h et 21h. Bonsoir avec Elisa Joe. Elisa Joe, rappelle-nous qui est Elisa Joe. Elisa Joe, je ne saurais pas trop comment la décrire, c'est une chanteuse francophone et qui habite à Paris, qui a sorti un album et un EP. Alors elle chante en anglais d'habitude. Et donc, en tapant Elisa Joe sur Internet, vous trouverez. Vous aurez plus de détails. Ouais. T'avais des dates de concert aussi à filer, parce qu'on a beaucoup parlé de celle de La Cigale, qui est le 22 janvier, mais il y en a d'autres aussi, évidemment. Ouais, exactement. Donc, du coup, il y a vendredi 16, pas demain, mais celui d'après. Donc, ça sera pour la sortie de l'album, ça sera à Écouen, dans le 95. Donc, sortie de l'album, t'es à Écouen. Ouais. Tu fais la fête là-bas. On fait la fête à Écouen, avec mes banlieusards. Après, après on part en résidence, donc répéter nos concerts, etc. Et le 23 octobre, on sera à Quimper, le 24 à La Rochelle et le 30 à Chelles. 30 octobre à Chelles. Ouais, le 24 La Rochelle et le 23 Quimper. Et après, en novembre, on sera en Suisse à Monthey le 6 novembre, le 7 novembre à Bulle, c'est en Suisse aussi. Le 20 novembre, c'est complet, mais c'est à Rennes. Ah ouais. Et le 21 novembre, c'est à Massy, dans le 91. Dans le 91, donc pour retrouver Giorgio. Puis après, il y a d'autres dates. Il y a aussi Toulouse le 17 décembre, Montpellier le 18 décembre et Marseille le 19 décembre. Donc vous trouverez tout ça sur mon Facebook. Avant de réattaquer en janvier d'autres dates pour 2016. Voilà, c'est ça. Après, il y a Strasbourg le 21 janvier, mon anniversaire. Ah. Tu vois pourquoi on est obligé de s'en rappeler. Semaine, il arrive à placer. Et donc après, le 22, le lendemain, La Cigale. Vous allez être frais le lendemain pour l'anniversaire, après l'anniversaire. Ah, ouais. Ah non, mais on va fêter l'anniversaire à la Cigale. 21, 22, ouais, ça va être la semaine 21, ouais, 22, 23, 24. Ouais, c'est exact. Ça. Et ainsi de suite. Ça va être chaud la Cigale. Bon, est-ce qu'on est prêt pour le live maintenant? Ouais. C'est quoi, tu nous fais des morceaux, hein, c'est ça? Ouais, hein, c'est des morceaux, ouais. C'est ça, on va faire Héros, Appel à la révolte. Et puis ce fameux freestyle aussi. Ce fameux freestyle. Tu finiras avec les mots que vous avez proposés. Un petit couplet inédit aussi. Très bien. D'un morceau, du feat avec Sanka, et Sanka fera le refrain. Et ben on est gâtés ce soir. Ah ouais. C'est parti en live dans l'émission Giorgio Sanka. Quand vous voulez, messieurs. C'est bon ? Attention, on arrive. Bon. 1-1-1. 16 octobre dans les bacs, bleu-noir. Mon premier album. Hey. Et maintenant, je chante dans mes putains de refrains. J'élève la voix et je pense à tous mes frangins. Changer l'enfoiré devant son miroir est de plus en plus difficile. Que faire chaud sur le plongeoir? Y'a le succès dans la piscine. Est-ce que je dois faire le grand pas au risque de me perdre, de plaimer ma musique? L'année dernière, j'ai vu un frère faire une tentative de suicide. J'ai besoin d'être adouci, enfermé dans mon petit chez moi, j'ai quitté la rue. Les faux boîtes pour les concerts. Avec mes frangins, on est sur la route, on a déchiré les posters qui traînaient dans nos chambres d'ado. Ouais, je prends de la hauteur, mais j'ai peur de la chute. Que ça change mon visage, car faire de la thune modifie l'atterrissage. Ma mère m'a fait comprendre que j'étais un adulte. Rien qu'elle se plaint, qu'elle me parle de factures, c'est dur. J'ai des liens, oui, sensibles aux fractures. J'ai fait du mal. Et toi, tu critiques comme si. Comme si. J'étais au-dessus, mais t'es baisé à nu. Je repense à mes premiers textes pour pas manger dans la souffrance au foyer. Et maintenant, je chante dans mes putains de refrains. J'élève la voix et je pense à tous mes frangins. Dis-leur comment ça fait sans cas. Saute, saute, saute, saute. Je vois tout le monde qui saute au concert. Saute, saute. Je vois son gars qui fait sauter mes airs, qui fait sauter mes frères. Saute, saute. Porté par la foule, on se lame, on se casse la voix, on est des héros. Et le lendemain dans le train, je pense à chez moi et trop par zéro. Et si je suis totalement dans l'erreur, que j'ai pas le choix, qu'on se présente à ma porte, dis-moi à quoi j'aurai le cœur. Je suis un bad boy, mais je veux pas affronter l'échec du premier album. Donc, je balance ce rap qui cogne. Tombé dans l'oubli, non, c'est archi mort. Je donne le maximum, pas envie de pourrir dans un taxiphone. Important de savoir d'où l'on vient, mais surtout pourquoi on s'est barré. La devise de 100K, j'ai mes potes comme boussole. Rien ne change, même si les voyages vont nous séparer. Bien sûr que j'ai eu le choix entre le détail et les bisonnettes. Nique le kilo d'herbe, je préfère écrire mes rêves et étaler des feuilles blanches sur des kilomètres. Mais de ma vie, honnêtement, un seul mot d'ordre. C'est vrai dans tous mes disques, faut que ma famille puisse adhérer à ce que je dis. Laisser dans mon nom sa survêt, mon putain de tournevis. Ignorer tes commentaires, ta naïveté, ton mépris. Changer l'enfoiré devant son miroir. Est-ce encore dans mes cordes? Moi, je vis dans le désordre. Je fais dos de feu devant être glace. Chez nous, on devient un homme dans l'effort. Et maintenant, je chante dans mes putains de refrains. J'élève la voix et je pense à tous mes frangins. Je vois tout le monde qui saute au concert. Je vois son gars qui fait sauter mes sœurs, qui fait sauter mes frères. Porté par la foule, on se lame, on se casse la voix, on est des héros. Et le lendemain dans le train, je repense à chez moi et tout repart à zéro. Tout repart à zéro. Tout repart à zéro. Bleu noir, bleu 16 noir. Octobre. Dans les bacs, 16 octobre. Mon premier album. En précommande dès maintenant, partout. Hein? Et maintenant, chante dans mes putains de refrains. J'élève la voix et je pense à tous mes frangins. Saute au concert. Saute. Je vois son gars qui fait sauter mes sœurs, qui fait sauter mes frères. Saute. Porté par la foule, on se lame, on se casse la voix, on est des héros. Et le lendemain dans le train, je repense à chez moi et tout repart à zéro. Yes. T'es prêt pour la suite ou quoi? Je suis prêt pour la suite. C'est pour mes révoltés. Par le goulot, touche à la fin. famille, il y aura des bénévoles pour le sale boulot. Rien ne sert de menacer, on sait que t'es que c'est dans le blabla. J'ai jamais tapé de lacets. Posé dans des grands apparts. Je manie les lettres, mes textes sont meilleurs, demande à cash. J'ai aucune dette, mais je suis stressé comme un trader de Goldman Sachs. Pose la cam, c'est de la frappe, c'est trop crapuleux déçu. Tu vas pas assumer comme un frère amoureux d'une pute. Pas le plus fort, le bonheur avec ou la tristesse sans. La routine un viol auquel on assiste pleinement. On se dit que ça va au bord de la falaise. Y'a pire, regarde le fumer son crack. Près du bowling de Porte de la Chapelle. Je représente le district des Vichville. Échapper les villes si ces victimes se prennent pour des rappeurs. Bling bling bang bang, c'est si triste. Des bêtes de ballon, ça flirte avec le triple 6 dans un survêt de Chelsea. C'est un appel à la révolte, cousin. Ouais, c'est un appel à la révolte. Ouais, ouais, ouais, c'est un appel à la révolte, cousin. C'est un appel à la révolte. Skyrock, c'est un appel à la révolte, cousin. C'est un appel à la révolte. Ouais, j'ai dit, c'est un appel à la révolte, cousin. C'est un appel à la révolte. Incompris dans le rap, tel les PC Boys, c'est comme une petite quichard. On contrôle les flics, mis à je te crois, ça fait clic clic. C'est embêtant, je déteste la violence. Je préfère la romance. Si tu joues trop la rogue, je suis obligé de te rentrer dedans. Même si ça me fait mal au cœur, je te mets des droites avec la main qui écrit mes textes. Prends-toi mes droits d'auteur. Et pour le reste, tu veux l'astuce, envoie du sky. Je te la donne. Je crache le feu, je suis éclairé par les flammes de la mort. C'est pour les dentistes qui finissent édentés. Les grossistes qui mettent du pif dans un matelas éventré. J'ai fait les 400 coups avec des milliards de frais. On a trop de proches là-haut pour eux. On est devenus des pirates de l'air. J'ai mes failles, j'ai mes qualités. J'ai mes straps que des gars sûrs que même ma mère a validé. Pour demain, je t'avoue que j'ai pas d'idée. Une chose est sûre, nos bagages sont prêts, on se laissera plus dévaliser. C'est un appel à la révolte, cousin. Ouais, c'est un appel à la révolte. On a dit, c'est un appel à la révolte, cousin. C'est un appel à la révolte. Skyrock, c'est un appel à la révolte, cousin. Ouais, c'est un appel à la révolte. En plein noir, c'est un appel à la révolte, cousin. C'est un appel à la révolte, eh. Appelle les pompiers. Ce soir le petit Jean, je crache le feu. Le rap game est dompté. Moi je l'évite et puis je parle peu. Appelle les pompiers. Ce soir le petit Jean, je crache le feu. Le rap game est dompté. Moi je l'évite et je parle peu. On se détruit depuis nos 15-16 ans. Alcool, shit, médicaments. La sale vie des familles françaises. Je suis pas né dans le 16, donc j'en place une pour le RERB. Mes amis d'enfance, pour tous les êtres perdus qui cherchent des projets. Change chaque semaine, la routine met des crochets. Puisque même trouver le sommeil est devenu un combat. Y'en a qu'à toute la mort pour s'endormir dans le potras. Oh les filles, faut pas trop kiffer. J'suis qu'un enculé qu'on encule pas. Malgré ma sexualité débridée, mon fun sonne, bien sûr que je laisse filer. J'mène ma propre révolte, j'suis un sale gosse et j'fais ce qui me plaît. C'est un appel à la révolte, cousin. Ouais, c'est un appel à la révolte. C'est un appel à la révolte, cousin. C'est un appel à la révolte. C'est un appel à la révolte, cousin. Ouais, c'est un appel à la révolte. Je dis, c'est un appel à la révolte, cousin. C'est un appel à la révolte. Bleu noir dans les bacs, enfoiré. Ça dit quoi? Ouais, 16 octobre, enfoiré. Comment ça? 18ème max, dos, enfoiré. C'est un appel à la révolte, cousin. C'est un appel à la révolte. On a dit, c'est un appel à la révolte, cousin. C'est un appel à la révolte. Balance la sauce, mon sauce. Enfoiré, putain d'XV3. 1. Pour mes refs au Carpla, KS, Mamoutou. 1. Ouais, l'insécurité. Je pourrais t'en faire des albums. Comment sans besoin de flic. 1. L'insécurité. Giorgio Sanka. Ouais, ouais. L'insécurité, je pourrais t'en faire des albums, même sans parler de flics. Regarde-toi, après 3-4 verres d'alcool. De base, on paraît clean, on peut se faire peur quand on déprime. Quand le courage devient des nuages de fumée, t'es rattrapé par la résine. Les addictions, c'est l'enfer quand tu glisses. Foncer au sang du Christ, rentrer tard le soir, croiser les crackers, les enfants qui plissent. Les keufs jouent les cowboys, je les entends qui kiffent. Faire des fouilles musclées, c'est des ouf, tu sais. J'suis peut-être pas né sous la bonne étoile, mais j'ai des principes, j'ferai pas tout pour tu plaît. J't'avoue que j'suis pour l'union, l'entraîne, mais laisse péton. C'est la merde quand tu te manges des coups de presse dans un tiexon. Vie infecte, beaucoup trop de frères qui manquent d'affection. Dans ce monde, on est insectes, on perd son dernier quand les têtes tombent. Seul chez moi, je suis à l'ancienne. J'écoute kicker la section. Aucune sécurité quand je quitte la maison. Les émeutes, les problèmes d'identité. Année 93, période d'insécurité. 22 ans plus tard, je craque mon plumard parce que peu de choses ont changé. Pas chez moi, on compte toujours les décès. Pop, pop. Les émeutes, les problèmes d'identité. Année 93, période d'insécurité. 22 ans plus tard, je craque mon plumard parce que peu de choses ont changé. Pas chez moi, on compte toujours les décès. Pop. C'est l'heure du freestyle, c'est l'heure de l'impro. Vas-y, 100K, envoie des mots. On est parti quand tu veux. Alors tu vas commencer avec Poutine. Poutine, ok, comment vous dire que j'aime pas trop le clafouti. Faut que je parle de la Russie. Bref, tu sais comment ça se passe. J'envoie tes missiles. Ouais, je suis technique comme Messi. Hein, balance un autre mot. Balance un autre mot. Carotte. Carotte, mon album n'en est pas une. Enfoiré, si tu le penses, eh bah, toi, c'est que t'es de la merde. Donc il faut que je te parle de carotte. Tu sais comment ça se passe. Bref, on kick en impro. Et tout ça, on le fait en live de Skyrock. Ah. Enchaîne-moi sur la solitude. Sur la solitude, je crois qu'elle bah c'est une jolie pute, hein. Mais pourtant je la croise tous les soirs. Tu sais comment ça se passe, mon album s'appelle Bleu Noir. Kebab. Kebab, tu sais comment ça se passe, ok. J'étais au collège et tous les midis, bah je voulais manger du kebab. L'après-midi je l'ai séché pour écouter du vrai rap. Bah ouais, c'est comme ça, et ça depuis le collège. Tu sais qu'on est reparti et toi t'es paré pour le décollage. Casquette. Il faut que je parle de casquette. Sur ma tête, je pourrais en mettre. Car j'ai les cheveux trop longs, mais t'inquiète pas, mon coiffeur n'est pas mort. Et dehors c'est le Delboir. Et fuck toi, je te ferai pas de casse-dette. Île-de-France. Île-de-France, ça c'est ma région. Et dans mon nez, tu sais qu'il n'y a pas de ligne de blanche. Non, je suis pas trop dans ces putains de merde. Tu sais comment ça se passe, c'est pour mes potes sur le terre-terre. Sanglier. Il faut que je parle de sanglier. Et toi, t'es dans la merde. Si tu kiffes la drogue, bah ouais, tu peux mettre tes rêves dans le cendrier. Et moi, j'envoie du bon rap. Et parfois, je le fais en chuchotant, pas sans crier. Sex toys. Il faut que je parle de sex toys. Tu sais que dans le rap, tu es numéro 1, le playboy. Donc, j'envoie des belles rimes. Tu peux aller pécho ça comme de la bonne drugs, motherfucker. Crapule. Ouais, il faut que je parle de crapule. Ok, ok. Sur ma tête, y'a pas de pull, non, ni de cagoule. Bref, je représente partout où c'est la merde. Ici, c'est le 9-3 pire que Kaboul. Ou alors, c'est le 7-5. Ça part en sucette, zinc. Tu sais comment ça se passe. Dédicace, je te fais pas de dessin. C'est non. Pour les miens. C'est pour les tiens, ouais. Ouais. Enchaîne sur Armani. Il faut que je parle de Armani. C'est Giorgio, pas Armani. Mon art est libre et c'est la merde, un peu comme en Arménie. Ok, j'envoie des tas de missiles. Je dédicace toute l'île de France, de Melun jusqu'au Blanc-Ménil. Est-ce qu'il y a encore d'autres mots? Il en reste un. Vas-y, vas-y, donne-le-moi. Chirac. Il faut que je parle de Chirac. Tu sais que je suis official, comme s'il y avait mon son dans les chichas. Mais comme Chirac, ça aurait pu être une crapule. Bref, on parle pas de lui comme on parle pas de tas de putes. Fuck la politique, même si j'y connais rien. Je te l'ai déjà dit, quand je perds, ah bah c'est toujours pour les miens. Yeah, yeah, yes. Je pense qu'on peut faire du bruit à l'instant pour ce live et pour cette impro de Giorgio. Et but. Bravo, bravo Giorgio. Merci Fred. Paris réussi, Paris tenu. Tous les mots ont été donnés, hein. Solitude, poutine, carotte, sanglier, sextoy, kebab, Chirac, crapule, casquette, Île-de-France et Armani. Et Armani. Merci à vous, en tout cas merci Sanka aussi. Merci à toute l'équipe qui était là ce soir entre 20 et 21 comme d'hab. Juste avant de retrouver Difool, on va faire tourner rapidement la roulette, c'est parti. Allez. Ça se prononce, Skyrock t'offre le Cosmo Tour près de chez toi. Attrape-moi dans la roulette, la famille. La roulette qui va tourner avec c'est Bilal de Mulhouse. Comment ça va? Ça va et toi? En pleine forme? Ouais, toujours. Giorgio qui est là avec nous toute la semaine entre 20 salut, et 21. Ça va? Tu es prêt à faire tourner la roulette? On y va? Ouais, tu es prêt, ouais. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Et la roulette qui va s'arrêter. Yeah. C'est la tournée de Sopra, le Cosmo Tour qui reprend d'ailleurs ce soir du côté de Forges-les-Eaux. On salue toute l'équipe de Sopra. Toi, t'as deux places qui t'attendent, c'est pour toi mon pote. Ah, merci beaucoup, vous gérez de ouf. Eh bah passe une bonne soirée. Merci, je te fais des dédicaces. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Dédicace à Zaket, à Jonas, à Dani qui vient de faire son permis et Gigap à Giorgio. Ah, ça roule. Et bah voilà, la sortie à Mulhouse de Bleu Noir, c'est le 16 octobre, merci. Comme dans toute la France. Merci beaucoup encore une fois de plus, Giorgio. Ouais, je t'en prie. À tous la sortie, c'est le 16 octobre. C'est le 16 octobre. On précommande dès maintenant. Dès maintenant, partout. On peut y aller. Là, il est déjà arrivé. Il est pour toi. Tu vas pouvoir en profiter. Et sinon, pour tout le monde, dès le 16 octobre, passez une bonne soirée. Merci. Merci à vous tous. Bonne soirée. On va retrouver Difool maintenant qui doit être là avec toute l'équipe de la Radio Libre. Eh oui, on est là. Oui. Comment ça s'installe? Comment ça va? Eh bah, en pleine forme. Giorgio, bien. Ouais, tranquille. Et toi, depuis hier? Écoute, depuis hier soir. Ouais. Merci d'être passé hier soir, Giorgio. C'était vraiment cool. On a passé un bon moment et c'est pas fini. Hein. Demain soir, 20h-21h, c'est la toute dernière pour la Planète Rap de cette semaine. Avec un gros freestyle hein, demain. Ouais, gros freestyle demain. Ouais, on m'a parlé de ça, oui. Il paraît que ça va déchirer au niveau du freestyle demain soir. Sec. À tonton. sec. Bon, bah on sera là demain, 20h-21h. Et puis on est là dans un instant sur Skyrock. On est même là tout de suite. Vous pouvez nous appeler au 01 53 40 30 20. Quand je dis que l'équipe fait son entrée, mais j'ai tout fait. Ah, bah c'est Karim, ça, c'est ça. Donc là, Marie, Cédric, oui, Samy, Karim, Momo, ouais. Romano et vous tous en direct, vous pouvez nous appeler. Venez faire les cons avec nous, allez-y, profitez. Et du foot à suivre, Fredo, ce soir. Ah. Et oui, Skyrock est premier sur le. L'équipe foot, de France. Bien sûr. Oui, et l'équipe de France allez, aussi. Les Bleus. France-Arménie à suivre, 0-0 pour l'instant, on est à 5 minutes. De quoi ? J'étais dedans avec mon impro, j'ai placé l'Arménie comme. Mais t'es à fond dedans. C'est à fond dedans. Ouais. Et bah, du foot à suivre, France-Arménie, on s'en occupe tout au long de la soirée. Et puis si vous avez un truc à dire, appelez-nous, c'est parti. Dans un instant, vous vous retrouvez en direct avec nous sur Skyrock avec Fetty Wap et Gradure. Le gros son de Fetty Wap et Gradure, j'aime bien ça. Hein. Trap Queen, c'est parti, c'est dans un instant sur Skyrock. Salut Fredo, salut Giorgio. Salut. Ciao. Après Maître Gims, Black M. Black M.